as fait. Je t'adore pour tes hauts faits. Je t'adore pour ce que tu as déjà réalisé. Je t'adore pour la foi que j'active, pour ce que tu feras. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Un assoiffé de Dieu qui veut monter à la montagne pour rencontrer ce Dieu, pour recevoir la transformation. Montre. Cet air que je respire, oui, cet air que je respire, cet air que je respire, oui, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Se penche jour après jour, se penche jour après jour. Se penche jour après jour. C'est ta parole. C'est pourquoi nous te levons, tendre Père. Oui, toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous te levons ce soir. Nous te glorifions. Qui est comme toi? Qui dira qu'il vit sans toi? Bien, tu fais pleuvoir même sur le méchant. Tu fais pleuvoir même sur le bon. Oui, ta bonté durera toujours. Tu nous aimes, tu nous aimes. Malgré nos péchés, tu nous as acceptés tels que nous avons été. Oh Dieu, qui est comme toi. Oh Dieu, laisse que ma voix se lève ce soir pour te glorifier, pour te lever, pour te rendre gloire, pour t'exalter. Oh Dieu de victoire, Dieu de mes victoires, Dieu de mes problèmes, Dieu qui se lève les derniers. Seigneur Jésus, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Yahweh, le Dieu de nos prières, le Dieu qui exauce tout ce que nous faisons, Yahweh, tout ce que nous te demandons, tu es derrière ta parole pour accomplir. Et moi, ah, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à le bénir. Oh, bien-aimé, je m'aimerais pendant ces instants, avant d'écouter la parole ce soir, que chacun de nous élève sa voix pour bénir le Seigneur pendant quelques instants. Élève ta voix, commence à le bénir. Commence à le bénir. Moulima, 30% maintenant de chercher le Seigneur. Nous montons à la montagne de Dieu pour le chercher. Nous montons à la montagne de Dieu pour rencontrer Dieu. Nous parlons au Seigneur. Dieu nous parle, bien-aimé. Oui, élève ta voix, commence à le bénir. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ta présence ce soir. Je bénis ta présence ce soir. Qui est comme toi, Dieu? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh, l'éternité, l'éternité, tu es Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, toi qui es le Seigneur, sois là, Seigneur. Tu es comme toi, Seigneur. Obéissant dessus de toi. Tu es comme toi, Seigneur. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est mon jour, Seigneur. C'est mon jour. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est mon jour, Seigneur. Merci, Jésus. Ne me passe pas loin. Merci, Jésus. Ne passe pas loin de ma vie. Ne passe pas loin de ma famille. Nous parlons, nous a parlé de Gédéon, du juge Gédéon, et on nous a donné deux principes. On nous a expliqué ce que signifiait la force, la richesse, la puissance, les habiletés, les talents, tout ce que vous voulez. Et on nous a dit le premier principe. Chacun possède en lui une force. Ne va pas chercher loin. Il y a en toi la solution à ton problème. Il y a en toi ce que Dieu veut pour toi. Si tu comprends ce premier principe, même ta façon de vivre, de prier va changer. Souvent nous pensons que Dieu est très loin, il faut qu'il amène des choses à nous. Alors que la guérison se trouve en toi. Ce qui te faut se trouve en toi. Comprends ces choses. C'est des choses fondamentales. Si tu comprends, ta façon de prier va changer. Et donc tes résultats vont changer. Et on nous a donné le deuxième principe. La force n'a pas de valeur si elle n'est pas manifestée. Elle n'a pas de valeur si elle n'est pas manifestée. Alors nous avons commencé à prier. Seigneur, manifeste ta force. Manifeste ta force. À Ephrat, à Bethléem, dans ma vie. Alors nous voulons que tu pries. Parce que tu sais que la force est en toi. Tu sais que ce qu'il te faut se trouve en toi. Les enfants que tu cherches se trouvent en toi. La victoire que tu cherches se trouve en toi. Maintenant nous voulons que tu pries. Dis à Dieu, manifeste cette force. Je ne veux pas que ce soit une force latente, mais qu'elle soit manifestée. Oh bien aimé, il y a ce qu'on appelle énergie potentielle, mais nous voulons la convertir. Si tu as besoin du courant, cette énergie devient du courant. Si tu as besoin de telles choses, cette énergie va se transformer dans ce que tu veux. Chacun de nous a cette énergie potentielle en lui. Mais ce soir, avant d'écouter la parole ce soir, Seigneur, manifeste ta force dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, le temps est arrivé pour nous. Le temps est arrivé. Tu n'es pas conservé la force, mais que se manifeste maintenant. Que se manifeste dans ma vie. Que se manifeste dans mon travail. Que se manifeste dans ma maison. Que se manifeste dans mon corps, de la tête aux pieds. Que se manifeste dans cette église. Le temps est arrivé. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Manifeste ta force. Manifeste ta force dans ma vie. Ça va changer ma vie. Ça va changer l'église. Ça va changer le ministère. Ça va changer mon travail. Oh, dans cette force va exploser. Seigneur, ça va changer. Je prie, nous te bénissons pour ta présence et ta fidélité. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui va manifester sa force dans la vie. Oh, il est merveilleux. Pendant que nous sommes debout, j'invite le pasteur Trésor. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour le recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le recevoir? Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci. Gloire à Dieu, nous pouvons rester debout, nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous sommes ici pour t'écouter depuis le début de ce programme, tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous faire du bien. Ce soir encore, nous sommes là et désireux de recevoir ta pensée, désireux de recevoir ta parole. Parle car tes serviteurs écoutent, parle car tes serviteurs sont disposés à marcher selon la voie que tu as prévue pour nous. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et nous croyons que ce soir encore, le Seigneur va continuer de nous parler. Merci également à nos parents. Est-ce qu'on peut apprécier le travail qui s'est fait au milieu de nous? Merci, merci infiniment, pasteur. Tout à l'heure, on a fait un petit tour de la ville. J'ai beaucoup aimé la petite balade qu'on a fait. Merci infiniment. Alors, nous allons continuer. Hier, nous avions parlé du deuxième point. Les juges Gédéon et ses défis. Rapidement, Gédéon avait trois défis. Je ne vais pas commenter parce que je reviendrai sur ça quand je toucherai la dimension personnelle de la force de Gédéon. Le premier défi de Gédéon, c'était de mettre fin à l'oppression des Madianites. Comme vous savez, à cette époque, Israël était dominé par les Madianites. Et le but de Gédéon, la mission de Gédéon, c'était de mettre fin à cette oppression. Ça, c'était le premier défi. Va avec cette force que tu as. C'est pas pour s'amuser avec. Dieu ne gaspille pas la force qu'il nous donne. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour répondre à un besoin. Tout investissement de Dieu dans nos vies, c'est pour répondre à un besoin. Et le premier défi, Gédéon devait mettre fin à l'oppression des Madians. Deuxième défi, Gédéon devait restaurer l'autorité de Dieu en Israël. Souvenez-vous de la phrase clé de notre livre. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Il fallait donc restaurer l'autorité de Dieu. Pour que chacun fasse ce que Dieu veut. Pour que chacun comprenne qu'il y a une autorité. Il y a une direction. Ne plus faire ce que bon lui semblait, mais faire ce que Dieu a dit. Et le troisième défi de Gédéon, c'était de vaincre ses propres peurs. Ne vous en faites pas tout ça, je vais revenir sur ça quand je parlerai de la première dimension de sa force. Mais hier, j'avais donné quelques informations sur Gédéon. La première, c'est qu'il était le plus petit de sa famille, le cadet de sa famille. La deuxième information, c'est que Gédéon, dont le nom signifie coupant ou abattant, était choisi par Dieu pour mettre fin à une oppression. L'oppression des Madianites, parce qu'à chaque fois qu'Israël s'aimait, Madian venait pour arracher. La troisième et dernière information, on en a parlé hier. Gédéon avait une certaine force qu'il ignorait. Et c'est là que j'ai commencé à parler de la force. Le terme force qui est utilisé ici dans Juges chapitre 6 verset 14 signifie puissance, moyen, possibilité. Il peut s'agir de la force humaine, de la force des anges, de la force de Dieu, ou même de la force des animaux. C'est parce que la technique peut m'aider, je sens qu'il y a un peu trop d'écho sur mon micro. Et je disais que dans le langage métaphorique, une force est une capacité. Voilà, une capacité, une habileté, une aptitude que nous possédons. Ça peut être une force naturelle ou surnaturelle. C'est quelque chose que Dieu vous a donné. C'est une capacité que Dieu vous a donnée. Et j'ai donné quatre principes. On va continuer là. Quatre principes attachés à la notion de la force. Le premier principe, j'ai dit que chacun de nous possède une force. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui, tu possèdes une force. Et est-ce que tu peux dire à ton voisin, on est dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas parler, dis-lui, tu as une force. S'il ne veut pas ningui, ça y est, dis-lui, tu as une force. Tu as une force. C'est quoi ta force? Ta force, c'est la clé de ton succès. Ta force, c'est la clé de ton épanouissement. Ta force, c'est la clé de ton développement. Vous n'arriverez nulle part si vous ne découvrez pas la force que Dieu vous a donnée. Et vous n'accomplirez pas des exploits sans localiser la force que vous avez. David a été chanté par les femmes. Souvenez-vous, les femmes ont chanté « Saül a tué ses mille » et David a tué ses 10 000. Mais pour que les femmes puissent célébrer David, pour que Israël puisse célébrer David, il fallait que David manifeste cette force. Sans cela, on n'allait pas le reconnaître en Israël. Je suis en train de prier Dieu que quelqu'un découvre la force que Dieu lui a donnée et qu'il puisse commencer à le manifester. Deuxième chose, deuxième principe, hier j'ai dit qu'il faut manifester cette force. Avoir une force est une chose, mais la manifester en est une autre. Dans Ruth chapitre 4 verset 11, parlons à Boaz. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens de la ville vont lui dire: manifeste ta force dans Ephrata. Manifeste ta force dans Ephrata. Pas chez les Philistins, pas en Égypte, mais ta force manifeste-la dans Ephrata. Et je vous ai dit qu'avoir une force est une chose. La manifester en est une autre. Mais notez aussi qu'il y a toujours un lieu, un endroit dans lequel votre force sera manifestée. J'ai donné l'exemple hier d'un certain Lionel Messi. Il est passé par Barcelone. Et juste après, par Paris Saint-Germain. C'est toujours Lionel Messi. Mais deux environnements différents. Ce qu'il a fait à Barcelone, il ne l'a pas fait à Paris Saint-Germain. Parce que le lieu dans lequel nous exerçons, le lieu dans lequel nous manifestons notre force, peut-être soit favorable, soit défavorable. Et j'avais prié hier pour demander à Dieu de vous amener à des endroits où vos dons et capacités seront reconnus. Que vous alliez à certains endroits où on reconnaîtra les choses que Dieu a placées dans votre vie. Troisième principe. Pour manifester sa force, il faut la découvrir. Pour manifester sa force, il faut la découvrir. Découvrir sa force signifie savoir exactement ce qu'on a. Découvrir sa force signifie ne pas tâtonner. Savoir ce qu'on a, savoir ce qu'on est appelé à faire, savoir comment le faire, connaître le potentiel que Dieu nous a donné. Lorsque Jean et Pierre se présentent devant ce paralytique, j'ai beaucoup aimé la conscience de l'apôtre Pierre. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Pierre savait ce qu'il n'avait pas. Et dans la vie, il faut savoir ce qu'on n'a pas. Il dit, l'or et l'argent, je n'ai pas. Puisque je n'ai pas l'or, puisque je n'ai pas l'argent, je ne peux pas te les donner. Ne vous hasardez pas à vouloir donner les choses que vous n'avez pas. Et puis il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, l'apôtre Pierre savait ce qu'il avait. Ma prière ce soir, chacun de nous qui participe à ce programme de Moulima 30, que personne ne termine ce programme sans connaître exactement ce qu'il a. Ce que j'ai, je te le donne. Et la question que je vous pose, qu'est-ce que vous avez? Alors je vais vous donner quelques clés pour découvrir sa force. Comment découvrir sa force? Comment savoir ce qu'on a? Évidemment, il faut que je commence par la première clé. La première clé qui nous montre ou qui nous révèle ce qu'on a, c'est la révélation. Quand je dis révélation ici, je vois la révélation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Ça veut dire, papa Eric, Gédéon lui-même ne savait pas qu'il avait une force. Pour Gédéon, c'était rien du tout. Il fallait que l'ange vienne lui dire, néglige pas ça. C'est une force. La première manière de découvrir sa force, c'est de laisser le Saint-Esprit nous le dire. C'est la raison pour laquelle je crois qu'une prophétie qu'une parole de connaissance peut te dire ce que tu as. Tu ne savais pas, mais tu reçois une révélation qui te dit qui tu es. Saul ne savait pas qui il était. Il prenait des lettres pour aller détruire l'église, massacrer des croyants. Mais en chemin, il rencontre le Seigneur. Une forte lumière apparaît. Et c'est là qu'il a une révélation. Lui, il se voyait toujours comme un meurtrier. Ce jour-là, il apprendra qu'il est un instrument entre les mains du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vous en supplie dans cette première étape. Aucun homme ne peut vous dire qui vous êtes vraiment. Aucun homme, même pas votre père, le seul qui connaît qui vous êtes, le seul qui connaît la force que vous avez, c'est Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, pasteur, Matthieu 16, Jésus pose une question à ses disciples. Il leur dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? C'est Jésus, s'il vous plaît. Est-ce que Jésus avait besoin de connaître les avis des hommes? Non. Mais il voulait juste savoir ce que les gens pensaient. Pas pour se faire une opinion. Parce qu'il sait qui il est. Et les uns disent, selon les disciples, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus se retourne vers ses disciples et dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? C'est là que l'apôtre Pierre plus tard va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'était quoi la réaction de Jésus? Jésus dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, pour connaître l'identité de Jésus, il fallait qu'il y ait une révélation du Père. Que même dans notre vie, pour connaître les choses que Dieu a placées en nous, ne cherchez pas les experts en psychologie, ils vont t'attendre. Ils ne vous connaissent pas. Ne cherchez pas le médecin. Même si c'est le philosophe le plus philosophe, il va tâtonner. Ne cherchez pas le dictionnaire. Le dictionnaire va tâtonner. Ne cherchez pas un homme. Le seul qui a la vérité sur votre vie, sur vos capacités, sur vos limites, sur vos forces, c'est le Père qui est dans les cieux. Alors, au lieu d'aller vers les hommes, mettez vos genoux à terre. Priez votre Père qui est dans le ciel afin qu'il vous révèle quelles sont vos forces. Priez pour connaître qui vous êtes. Que Dieu vous révèle le potentiel. Que Dieu vous révèle ce qu'il a placé en vous. Prenez le temps. Ne priez pas seulement pour avoir l'argent. Priez pour connaître. Je suis envoyé sur cette terre. C'est quoi le but de Dieu pour moi? Écoutez-moi. Le produit ne détermine pas son but lui-même. C'est celui qui l'a fabriqué. Cet iPad que vous voyez, c'est celui qui l'a fabriqué qui lui a donné un but. Ce micro aussi, c'est celui qui l'a fabriqué qui lui a donné un but. Le produit ne se définit pas lui-même. C'est celui qui l'a conçu qui nous révèle le but pour lequel. Le soleil ne peut pas vous dire que j'existe pour éclairer. Il ne sait pas pourquoi il a été créé. C'est le créateur. Après avoir créé le ciel et la terre, il va dire qu'il y ait des luminaires au ciel, luminaires du jour pour éclairer le jour et le grand luminaire la nuit pour éclairer la nuit. C'est-à-dire le soleil, la position qu'il occupe. C'est à cause du but qu'il doit remplir. Et qui a déterminé ce but? Qui a déterminé cette position? C'est le Créateur. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne courez pas après la position. Ne courez pas après le succès. Cherchez le Créateur. La position est fonction du but. Qu'est-ce que Jésus dit? Personne ne peut allumer le chandelier. Non, la lumière, la lampe plutôt pour la mettre sous le boisseau. Mais la lampe, on la met où? Sur le chandelier. Maintenant, si vous prenez la lampe, vous la mettez sous le boisseau. Vous avez fait quelque chose contre son but. Mais si vous le prenez, vous le placez sur le chandelier. Le chandelier est toujours là, visible. Personne ne va contester, personne ne va dire mais pourquoi moi vous m'avez mis en bas et puis la lampe vous l'avez mis en haut. La lampe est en haut parce que le but qu'il doit remplir nécessite qu'il ait cette position là. Frère, dans la vie, c'est le but qui va définir votre place. C'est le but qui va définir votre position. Je suis ici, vous vous êtes là-bas parce que seulement en ce moment, le but que je suis en train de remplir nécessite que je sois ici. Ça ne signifie pas que je suis plus que vous. Ça signifie seulement ma place ici liée au but. Quand j'aurai fini le but pour lequel je suis là, je vais retourner à ma place. C'est comme ça que vous devez prier pour que le Créateur vous dise ce qu'il a placé en vous. Frère, vous irez très loin dans cette vie. J'étais en train de dire, vous irez très loin dans cette vie. Comment je le sais? C'est parce que Dieu, en vous créant, il a placé un but. Et il a placé vos forces de force. Le lion est lion. Parce que dans sa composition, Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il continue à être lion. C'est pourquoi ne commettez pas l'erreur de domestiquer un lion. Ça ne marchera pas. Le lion est de nature sauvage. Il est créé comme ça et il va évoluer comme ça. Pourquoi? Sa composition, sa création lui a donné une force qui lui permet de vivre dans la nature. La chose qui va vous maintenir même dans les temps difficiles, c'est ce qu'il a placé en vous. J'ai aimé Acte 13, 2 à 4. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, je ne sais pas si c'est écrit dans votre Bible, mais dans la mienne, il est écrit ceci. On parle des apôtres. Hein? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Qui a dit? Le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Barnaba et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La mise à part de Paul et Barnaba n'est pas une initiative personnelle. C'est le Saint-Esprit qui va dire ces deux-là, mettez-les à part parce que j'ai placé une force en eux. Cette force-là nécessite qu'ils ne soient plus avec vous. Frère, la force va te distinguer de la masse. Je disais, la force va te distinguer de la masse. Je disais encore, la force va te distinguer de la masse. Ils étaient tous ensemble, mais à cause de la mission qu'ils devaient remplir, Dieu les a mis à part pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. C'est le Saint-Esprit qui était à l'initiative de cette manœuvre. Priez, cherchez à connaître ce que Dieu a placé en vous. Ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Ne cherchez pas à être comme tout le monde. Découvrez votre propre originalité. Moi, je n'aime pas photocopier les gens, pasteur. Imitez. Mais ne soyez jamais la copie certifiée conforme de quelqu'un. Parce que le problème avec la photocopie, le jour où l'original apparaît, on n'a plus besoin de la photocopie. La photocopie reprend tout, même les tâches. La photocopie ne corrige pas. Lorsque vous photocopiez quelque chose, s'il y avait une tâche, ça va revenir. Mais si vous êtes l'original de vous-même, vous allez faire les choses comme vous-même. Alors ne soyez pas une photocopie. Deuxième clé. Alors ici, il faut bien me suivre. C'est le témoignage de ses pères. Le témoignage de ses pères. Papa Norbert, le jour où Dieu appelle Samuel, Samuel va vers Élie, pensant que c'est Élie, le sacrificateur, qui l'appelait. Une première fois, une deuxième fois, et puis après, c'est Élie qui comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Samuel n'est pas encore habitué à la voix de Dieu. Élie va lui dire, cette fois-ci, lorsque tu entendras la voix, ne viens pas vers moi. Voici comment tu dois répondre. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas bien vu. Pourquoi lorsque Dieu appelle Samuel, Samuel va vers Élie, et Samuel dit, tu m'as appelé. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il connaissait la voix d'Élie. Mais quand Dieu lui parle, Dieu ne lui parle pas avec la voix de Dieu. Dieu parle à Samuel avec la voix qu'il connaît. Ce qui fait que Dieu a pris la voix d'Élie. Il appelle Samuel par la voix d'Élie. C'est pourquoi Samuel va chez Élie. La voix qu'il a entendue, c'était la voix d'Élie. Et l'appel qu'il a reçu, c'était l'appel de Dieu. Dieu est passé par la voix d'Élie pour parler à Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va utiliser la voix de ton père. C'est la voix que tu écoutes. Je vais aller plus loin. Donnez-moi un bon amen. Je suis dans 1 Samuel 16. Dieu rejette Saül. Dieu dit à Saül. Dieu dit à Samuel. J'ai rejeté Saül. Il ne sera plus roi. Maintenant, va dans la maison d'Isaïe. Car j'ai vu celui que je désire pour roi. Vous êtes avec moi? Amen. Donnez-moi mon amen parce que je vais vous donner un grand merci. Va dans la maison de qui? Wende munyumba ya nani? Munyumba ya Yese. Isaïe. Munyumba ya Yese. Qu'on appelle aussi Jesse. Banamuita Yese. Car j'ai vu. Sababu naona. Dans sa maison. Ndani ya nyumba yake. Celui. Oule. Que je désire pour roi. Natamani awe mfalme. La question que je vous pose. Sasa ulizo na mauliza. C'était qui le roi que Samuel a oint dans la maison d'Isaïe? Ni mfalme kani ule baliweza kupakana mafuta munyumba ya Yese. Hein? Vous le savez, répondez. Munayua, ni nani? C'était qui le roi ufale, ni nani? Que Samuel a oint à la place de Saül? Mais ce roi était dans la maison d'Isaïe. Comment il s'appelle? Jina ni nani? Hein? Hein? Dites plus fort. Plus fort. Maintenant, commençons à réfléchir. Dieu envoie Samuel où? Dans la maison d'Isaïe. Isaïe est qui par rapport à David? Isaïe, c'est le père de David. Au moment où Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi, toi et moi on sait que ce roi-là s'appelle David. Maintenant, David est où? Au moment où Samuel est envoyé dans la maison d'Isaïe. David est où? David est où? En bouse, hein? Maintenant, pourquoi Dieu? Qui sait que David se trouve en brousse? Pourquoi il ne dit pas seulement à Samuel? Va dans la brousse. Celui qui va remplacer Saül se trouve dans la brousse. Son nom c'est David. Pourquoi Dieu, qui sait que David se trouve dans la brousse, il envoie le prophète Samuel dans la maison de son père? Parce qu'on ne reçoit jamais l'onction dans la brousse. On reçoit l'onction dans la maison de son père. Parce que Dieu respecte le protocole. Le premier témoignage de ton onction, ça doit être ton père. Je suis venu dire à tous ces jeunes gens qui quittent leurs églises, qui vont dans des montagnes, qui vont dans des brousses. La brousse ne fera pas de vous roi. Le prophète Samuel ne envoyé dans la brousse. Le prophète Samuel est envoyé dans la maison. Isaïe ne deviendra pas roi. Mais si David ne vient pas à ses pieds, il ne deviendra pas non plus roi. Le roi est dans la brousse, mais le père est dans la maison. L'onction est dans la maison, et c'est cette onction qui va attirer David de la brousse vers la maison. Restez à la maison, parce que c'est lui qui va témoigner de votre force. C'est le père. C'est le père qui va dire: je connais mon fils. Dieu l'a oint. Il a telle capacité. Il a telle capacité. Ne négligez jamais ce respect du protocole. C'est pourquoi, papa, Satan vient tenter Jésus dans Matthieu 4. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce père, que ces pierres deviennent du pain. Mais ça vient en retard. Parce que dans Matthieu 4, Satan vient pour dire à Jésus de prouver qu'il est fils de Dieu. Or, avant Matthieu 4, il y a Matthieu 3. Et dans Matthieu 3, pendant que Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre disant: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc je n'ai pas besoin de prouver que je suis fils de Dieu. Avant que Satan vienne me tenter, le ciel a déjà témoigné. Le Père qui est aux cieux a déjà témoigné que je suis son fils. Écoutez-moi, frère. Si votre Père spirituel a déjà témoigné que vous avez une force, que vous avez quelque chose, peu importe ce que les autres vont dire, votre Père a vu. Donnez-moi un bon amen, je vais aller plus loin. Parce que ici, j'aimerais insister sur la loi de l'honneur. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont remplis de force, ils dépassent leur père. Attention, David est roi. Isaïe n'est pas roi. Mais pour qu'il soit loin, il faut qu'il vienne à la maison. On appelle ça le protocole divin. Maintenant, je vais vous poser une question. Savez-vous que Joseph a été envoyé par son père? Son père Jacob lui dit: va voir tes frères, apporte-leur à manger. C'est en écoutant la voix de son père. Son père lui a dit: va à Sichem. Voir comment se comportent tes frères. Joseph écoute la voix de son père. Va à Sichem. Mais est-ce que vous savez que Joseph n'est jamais arrivé à Sichem? Parce qu'en chemin, il a rencontré un homme. L'homme lui dit: mais tu cherches qui? Il dit: non, je cherche mes frères. L'homme dit: non, je les ai écoutés dire: allons à Dothan. Dothan, c'est pas Sichem. Or, papa avait dit: va à Sichem. Et quand Joseph arrive à Dothan, c'est à partir de Dothan que ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé en prison. Mais comme son père avait dit: va à Sichem, là en Égypte, avant de mourir, Joseph va dire à ses frères: je veux mourir bientôt, mais lorsque je mourrai, Dieu vous visitera. Et quand Dieu vous visitera, quand Dieu vous aura visité, prenez mes os, amenez ça loin d'ici. Bizarre. Quand Israël sort de l'Égypte, Josué, Moïse d'abord, il prend les ossements de Joseph. Et puis quand Moïse meurt, Josué prend les os de Joseph. Et vous savez où est-ce que Josué a enterré Joseph? À Sichem. Son père avait dit, va à Sichem. Il n'est jamais arrivé en Sichem vivant. Mais parce que c'était la parole d'un père qui devait être honoré, il est quand même arrivé à Sichem, même en tant que cadavre. Maintenant voici la bonne nouvelle. Ici il y a plus que Joseph. Si Joseph est arrivé à Sichem en tant que cadavre, nous on arrivera à Sichem vivant avec la force que Dieu nous a donnée. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Je parle comme prophète. Je déclare sur quelqu'un, tu arriveras à Sichem. Je ne connais pas ton système. Tu y arriveras. Si c'est après 5 ans, tu y arriveras. Si c'est après 10 ans, tu y arriveras. Ce que Dieu a dit finit par s'accomplir. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Je le dis encore. Tu y arriveras. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose. Dans le domaine spirituel, j'ai dit encore dans le domaine spirituel, l'élément à partir duquel Dieu crée toutes choses, c'est la parole. Attention. Dans le monde spirituel, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la parole. Au moment où Dieu te dit, va avec la force que tu as. Même si tu n'avais pas de force, la parole crée. Je vais vous dire quelque chose, je serais surpris si vous savez ça. Par quel processus le corps de Jésus s'est formé dans le ventre de Marie? Lorsqu'il dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et l'enfant qui naîtra de toi, il n'y a pas de sémence d'homme. Dieu couvre Marie et dans l'obscurité du sein de Marie, le corps de Jésus est formé. Maintenant, Jésus est mort. La Bible dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, vous êtes d'accord avec moi que quand Pierre et Jean sont venus, ils ont trouvé les vêtements funéraires laissés là. Comment il est sorti? Où il a trouvé les vêtements? Parce qu'il n'y avait pas un magasin à côté qui vendait des vêtements. Le même qui lui a formé un corps dans le ventre de Marie, c'est le même Dieu qui lui a formé des vêtements dans l'obscurité de la tombe. A tel enseigne que quand Jésus est sorti, il avait des vêtements de la vie et de la résurrection. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que la parole est créatrice. Dans le monde spirituel, la parole est créatrice. Ne cherchez pas des choses qu'on touche. Cherchez à entendre la parole. La parole a créé tout ce que vous voyez. Le visible et les invisibles. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit ne vient pas des choses visibles. C'est pourquoi dans le monde spirituel, on en voûte par la parole, on maudit par la parole, on bénit aussi par la parole. Mais dans l'avantage que nous on a, c'est que les sorciers utilisent la parole souffle. Nous utilisons une parole qui s'est faite chair. Jésus est devenu la parole faite chair et il habite en nous pleine de vie. N'hésitez jamais de parler sur votre vie lorsque les situations deviennent difficiles. J'étais en train de dire que le témoignage d'un père, la parole d'un père, peut te montrer des choses sur toi-même que tu connaissais pas. C'est pourquoi j'exhorte tous les fils à ne jamais se déconnecter de leur père spirituel. Le père spirituel peut te dire ce que je vois en toi ne va pas dans cette direction. Va plutôt dans l'autre direction. Il a peut-être des informations que tu n'as pas. Et il n'est pas obligé de te donner des détails. La génération d'aujourd'hui, on veut des détails. Pourquoi il ne me parle pas clairement? Pourquoi il ne me dit pas les choses A, B, C, D jusqu'à Z? Non, tu ne grandiras pas. Troisième clé. Je ferme cette parenthèse, j'y reviendrai. La troisième clé qui peut vous révéler votre force, c'est ce que vous faisiez de façon naturelle mais utile pour le royaume. Je reprends ça. Tout ce que vous faites de façon naturelle mais de façon utile pour le royaume. Une force est force parce qu'elle enrichit les autres. Une force est force parce qu'elle fait avancer le royaume. Je ne sais pas si ici à Likasi ça existe. Mais là où moi j'ai grandi, on avait un ami à l'époque qui était le faible de nous tous. Nous tous on pouvait le tabasser. Et c'était un vrai provocateur. Quand il te provoque, attention, n'entre pas dans son jeu. Parce que derrière lui, il avait toujours un grand frère. Karatéka. Si tu essayes, ton grand frère le prend, il le place derrière. Lui-même, il se présente. Au fait, la force de cet ami, c'était pas en lui. Sa force, c'était de compter sur un autre. C'est comme ça que ça se passe. Votre force est force lorsqu'elle enrichit les autres. La force n'est pas destinée à soi-même. La force est destinée à faire avancer les autres, à faire avancer le royaume. Dans Matthieu 1, verset 21-23, parlons de Jésus. L'ange dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa force, c'est pour que le peuple soit sauvé. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qu'est-ce que vous faites naturellement? Qu'est-ce que vous faites simplement? Qu'est-ce que vous faites sans effort? Lorsque l'ange vient voir Gédéon, l'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Parce que déjà Gédéon, il avait cette facilité à battre du froment. Il avait cette facilité à déployer cette énergie. Les choses que vous faites simplement, naturellement, sans effort, sont révélatrices de vos forces. Ne cherchez pas des choses compliquées. Observez-vous. Regardez-vous. Depuis que vous êtes né jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire sans problème? Vous savez, un jour, quand j'ai commencé à servir Dieu dans une église, Pasteur, un frère est allé voir celui qui nous dirigeait, le pasteur. Il lui dit, pasteur, pourquoi tu es le seul à prêcher? Moi aussi j'ai la chose de Dieu. Je pense que le peuple sera béni si il m'écoute. Le pasteur dit, d'accord. Comme tu veux prêcher, je vais te laisser dimanche prochain. Dimanche prochain, il arrive. Il monte devant. Il ouvre la Bible. Il prend, à l'époque, il n'y avait pas encore ces histoires d'iPad. On préparait les messages dans des papiers. Il met son papier devant. Malheureusement, il s'est trompé des papiers. Les papiers du message, il a laissé ça. Il a amené les papiers où il y avait les noms des gens qui lui devaient les dettes. Numéro 1, Maman Pelagie, il me doit 500 000 francs. Numéro 2, Frère Fabrice. Il me doit 20 000 francs. C'est tout ce qu'il voyait dans les papiers. Et les thèmes, il n'avait plus. Et ce jour-là, il a dit, je sens l'esprit de prière ce matin. Le pasteur a dit, non, on a déjà prié. Prêche. C'est pas question de l'esprit de prière. Prêche. Mais il va prêcher quoi? Parce que là, il y a les dettes, les papiers qu'on a pour commander. Et c'est la pluie qui l'a sauvé. C'est la pluie qui l'a sauvé. Et après, qui ça? Le pasteur lui dit, pasteur, la pluie a dérangé le culte aujourd'hui. Dimanche prochain, reviens encore. Il a dit, pasteur, laissez-moi là où je suis. Continuez de prêcher. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous ne serez à l'aise que lorsque vous faites les choses naturelles que Dieu a placées en vous. Vous êtes appelé à chanter, restez là. Vous êtes appelé à prêcher, prêcher. N'entrez pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Restez dans votre élément. Exercez votre force. Le plus important, c'est pas prêcher ici devant, c'est être fidèle dans son appel. Dieu nous récompensera tous. Il n'y a pas de premier dans l'église. Il n'y a que des serviteurs fidèles à l'église. Ce n'est pas le fait de prêcher qui vous fera entrer au ciel. Ce n'est pas le fait de chanter qui vous fera entrer au ciel. Même si vous ne prêchez pas, si vous êtes fidèles, vous restez dans votre appel, la gloire de Dieu sera manifestée. Je lève ma main, je prie. Arrêtez dans vieillir quelqu'un. Arrêtez d'être jaloux. Si Dieu vous a donné deux, soyez fidèle avec deux. Si Dieu vous a donné trois, soyez fidèle avec toi. Si Dieu vous a donné cinq, soyez fidèle avec cinq. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du service. Donne-moi un amen. Je prie Dieu que chacun de nous se concentre sur ce que Dieu lui a donné. Quelles sont les choses que tu fais sans problème? Les choses que tu fais sans beaucoup trop gesticuler. Les choses que tu fais de façon naturelle, c'est en toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup forcer. Dieu t'a donné cela. David savait jouer de la harpe. Pendant qu'il jouait, les mauvais esprits quittaient Saül. C'était un talent naturel. Il était berger, mais il avait aussi un talent naturel. Il savait jouer. J'ai beaucoup aimé cette expression. Il savait jouer. C'était en lui. C'était un joueur de la harpe. Il y a des gens qui savent jouer. D'autres personnes, son talent, c'est de manipuler les chiffres. Quelqu'un d'autre. Il sait parler en public. Une autre personne. C'est un bon conducteur. Une autre personne. Ce sont ses pieds. Bon footballeur. Moi aussi je joue au football. Mais je suis plus professionnel. Même si de temps en temps nous jouons avec des frères. C'est du loisir ça. D'ailleurs dernièrement j'ai marqué un beau but na tigbe na sepeli. Mais est-ce que vous venez comme un professionnel? Mais ne me prenez pas, vous m'amenez dans une équipe. Je n'ai plus l'âge. Je n'ai plus le temps. Et ce n'est pas mon appel. Je ne suis plus fort dans ça. Laissez-moi dans mon couloir. Écoutez-moi. Si vous sortez un poisson dans l'eau, il meurt. Si vous amenez un animal dans l'eau, il meurt. Si vous prenez, on vous prend, on vous amène dans un environnement qui ne correspond pas aux forces que Dieu vous a données, vous allez mourir. Est-ce que vous savez que Saül avait donné à David son armure? Mais David n'a jamais tué Goliath avec l'armure de Saül. Il y a une armure qui ne vous correspond pas. David, sa force, c'est la fronde. C'est pas l'épée. Et quand il met l'habit de Saül, il essaye de marcher. Et s'imbiter à l'ongoli. Mais pourquoi il a quand même porté? Là, il y a un acte spirituel. Parce que le chapitre précédent, Samuel, là loin à la place de Saül, il avait déjà l'onction royal, mais il n'était pas encore roi. Oh, vous savez, quand il y a remplacement, il faut que le roi sortant fasse une passation avec le roi entrant. Le roi sortant, c'était Saül. Le roi entrant, c'était David. Cette cérémonie-là, ça s'est passé sous les soldats, mais personne n'a compris la valeur spirituelle. Quand Saül enlève ses habits, il donne à David, il ne sait pas qu'il a revêtu de la royauté. Quand David porte ça, il dit c'est tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas porté ça pour combattre Saül, pour combattre Goliath. Je portais ça pour la passation du pouvoir. Parce que Samuel m'a déjà oint. Il fallait que j'aie quelque chose de toi. Et quand il porte ça, royauté côté. Et puis il enlève, il remet à Saül. C'est déjà fini. C'est ce qui se passe. Que Dieu nous aide à découvrir les choses que nous faisons naturellement, sans forcer. Mais quatrièmement, et ça c'est important, une quatrième clé qui peut vous aider à découvrir votre force, ce sont vos frustrations. Vos frustrations, vos combats. La vocation peut naître d'une frustration. La force peut naître d'une frustration. Quelque chose qui te dérange et tu te dis Seigneur, moi je veux mettre fin à ça. Quelque chose qui te dérange. Moïse Moussa a vu un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Personne ne lui a dit d'intervenir en faveur de l'Hébreu. Mais de là où il était dérangé. Il dit, je ne supporte pas cette injustice. Et il tue l'Égyptien pour libérer l'Hébreu. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Moïse n'est pas Hébreu. Il est Égyptien. Selon ce qu'il pense. Parce qu'il ne sait pas encore qu'il est Hébreu. Il est Égyptien d'apparence. Mais il a le sang Hébreu. Et quand il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu, il est révolté. Quelles sont les choses qui vous révoltent? Les choses qui vous fâchent? Quand vous regardez votre famille, tu dis non, ça, plus question. Quand tu regardes ta ville, tu dis plus question de ça. Quand tu regardes ta propre vie, tu dis plus question de ça. Tes frustrations révèlent tes forces. Et j'ai dit à quelqu'un, il n'y a que toi pour terminer ce problème. Si ça te dérange, c'est parce que tu dois le terminer. Si ça te dérange, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une solution à ça par toi. C'est par toi que ça va changer. Maintenant, laissez-moi finir ce soir. Parce que je parle de la force de Gédéon. Il faut que j'amène ça chez le croyant. La force du chrétien, c'est quoi? Va avec cette force que tu as. S'il faut appliquer cette phrase aux chrétiens d'aujourd'hui, ça signifie quoi? Les chrétiens possèdent trois forces. Et c'est par là qu'on va terminer. La première force du croyant, c'est ce que j'appelle la force de sa position en Christ. Voilà. Pour le croyant, il ne s'agit pas d'abord des potentiels ou encore des dons, même s'il y en a. Pour le croyant, sa première force, c'est sa position en Christ. Il y a un homme du nom de Thomas Godwin. Thomas Godwin dit ceci: sur la terre, il n'y a que deux hommes devant Dieu, Adam et Jésus Christ. Et à la ceinture de ces deux hommes sont accrochés tous les autres. Autrement dit, la Bible voit tous les hommes dans deux positions, soit en Adam, soit en Christ. Il n'y a pas de position intermédiaire. Dieu nous voit tous de ces deux manières: soit en Christ, soit en Adam. Maintenant écoutez, votre force ou votre faiblesse dépend de la position dans laquelle vous êtes. Paul l'a dit autrement: il n'y a donc maintenant, papa Norbert, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais attendez, il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si maintenant il n'y a pas condamnation, ça veut dire autrefois il y avait condamnation. Parce que autrefois nous n'étions pas en Christ, nous étions en Adam. Tous ceux qui sont en Adam, ils sont dans le péché, ils sont dans la mort, ils sont dans l'échec, ils sont dans la condamnation. La plus grande opération que Dieu a faite, il nous a sortis d'Adam et nous a placés dans un autre terrain. Et ce terrain s'appelle Christ. Tous ceux qui sont en Christ, ils partagent les victoires de Christ. Ce qui veut dire la force de Christ, c'est leur force. La vie de Christ, c'est leur vie. La destinée de Christ, c'est leur destinée. Nous ne sommes pas forts d'abord à cause de nos talents. Nous sommes forts à cause de notre... Écoutez, Jean dit, Jean 3:16. Non, Matthieu 3. Lorsque Dieu témoigne au sujet de Jésus, je parle de Dieu le Père. Voici mon fils bien-aimé. On parle de Jésus. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. N'oubliez pas ça. Toute mon affection. Écoutez-moi. Le seul en qui Dieu a mis toute son affection, c'est Christ. La seule façon pour que Dieu nous aime, c'est d'être en celui qui l'a aimé le plus. J'ai toujours donné cet exemple. J'aime comment j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. J'aime comment mes garçons m'ont eu une fois. Ils savent que si ils utilisent leur sœur pour demander quelque chose, je vais donner. Parce que vous voyez, entre papa et les filles, c'est une histoire. Et quand ils viennent me demander, des fois, je dis, oh non, vous êtes âgé. Et une fois, ma petite fille, la cadette, est venue. Pasteur Alalelinga. Abidadi, est-ce que je peux avoir une pizza? J'en ai acheté 2. Elle avait demandé une, j'ai acheté 2. Parce que papa Eric, c'est quand même ma fille. Papa Eric, et puis après, quand je sors, je vois que ce sont les 2 gaillards qui sont en train de manger. J'ai dit, comment ça? Après, j'ai compris. Ils se servent de leur petite sœur pour m'avoir. Nous aussi, on doit se servir de Jésus pour avoir le Père. Parce que Jésus est celui en qui le Père a mis toute son affection. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, en mon nom. Pourquoi mon nom? Parce que quand le Père me voit, il ne peut rien me refuser. J'annonce à quelqu'un, demandez au nom de Jésus, priez au nom de Jésus, chassez les démons au nom de Jésus. Nous sommes en Christ. Jésus Christ, c'est notre force. Et la bonne nouvelle, c'est quoi, papa? Lorsque tu veux demander, vérifie que la main de Jésus t'a précédé. Ne présente pas ta main. Mets ta main derrière la main de Jésus. Parce que quand papa va voir la main de Jésus, il va donner. Et la bonne nouvelle, c'est que les mains de Jésus sont trouées depuis la croix. Tout ce que le Père donne, ça descend et toi tu les récupères. Jésus n'a pas besoin de se marier. Jésus n'a pas besoin de voyager. Sois derrière Jésus et tu vas récupérer tout ce que le Père va te donner. J'annonce à quelqu'un, la plus grande force du chrétien, c'est sa position en Christ. Vous savez, Quand on venait ici, quand on a quitté Lubumbashi pour venir ici, on a vu des gros véhicules que vous appelez remorques. Une remorque a 2 parties. La première partie, la tête qu'on appelle tracteur, le véhicule tracteur. Et puis la remorque, c'est ce qu'il y a derrière. Mais regardez, il y a un tel lien entre le véhicule tracteur et la remorque que quand la tête va à gauche, la remorque ne peut pas aller à droite. Ça suit le mouvement de la tête parce qu'ils sont ensemble. C'est comme ça notre histoire avec Jésus. Il est la tête de l'église. Tout mouvement qu'il fait, nous qui sommes le corps, nous sommes appelés à le faire parce que nous sommes en lui. Ne cherche pas la force ailleurs. Ne cherche pas la force chez les hommes. Nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes en Christ. J'aime souvent donner cet exemple. Regardez. Si je jette ce papier, il tombe pourquoi? Il y a 2 lois. La première loi, c'est la pesanteur qui a attiré l'objet vers le bas. Il y a une autre loi, c'est la pulsion que je donnais au papier. Mais parce que ce papier n'a pas de vie, la loi de l'apesanteur a été plus forte. Ça l'a attiré. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont comme ce papier. Même s'il monte, il finira par tomber parce qu'il n'a pas la vie de l'esprit. Mais tous ceux qui sont en Christ, ils sont comme un oiseau. Si je jette l'oiseau, l'oiseau ne va pas tomber. Même si la pesanteur la tire, il y a dans l'oiseau la vie qui fait que l'oiseau batte ses ailes pour se soustraire de cette loi. C'est pourquoi Paul dit la loi de l'esprit de vie. Je disais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je lève ma main, je déclare ce soir, tu n'es plus concerné par la loi de la famille. Oh, la loi de notre famille. Oh, chez nous, les gens ne se marient pas. Oh, chez nous, les gens meurent à 40 ans. Oh, chez nous, les gens meurent à 50 ans. Ça ne te concerne plus. La seule loi qui s'applique à toi, c'est la loi de l'esprit et la loi de la vie. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, là où les autres sont attirés vers le bas, toi tu vas monter vers le haut. Là où les autres sont attirés vers le bas, toi tu seras attiré vers le haut. Parce qu'en toi, il y a la loi de Christ. Un bon amen, je vais prophétiser. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Cette année, l'année prochaine, les 10 ans qui arrivent, les 20 ans qui arrivent, même si quelqu'un a rêvé que tu es mort, c'est son problème. Ce soir, il n'y a pas rendez-vous avec la mort, il n'y a que rendez-vous avec la vie. J'ai dit rendez-vous avec la vie. On allait enterrer un jeune homme. On l'appelle le fils de la veuve de Naïm. Il était déjà mort. On allait l'enterrer. Mais quand ils arrivent à la porte de la ville appelée Naïm, le cortège de la mort a rencontré un autre cortège. Ici, on apporte un mort. On allait l'enterrer. Quand ils arrivent à la porte de Naïm, la Bible dit Jésus, accompagné de ses disciples, lui aussi il entrait dans la ville de Naïm. Tout se passe à la porte. Est-ce qu'on ira enterrer les morts ou bien Jésus qui est la vie, il va entrer? Ça s'est passé à la mort. La porte de l'enterrement s'est transformée en porte de résurrection. Parce que Jésus est entré, il a touché le cercueil et ce jeune homme est revenu à la vie. Je parle comme un prophète. Reçois la vie ce soir. Reçois la vie ce soir. Que tes enfants reçoivent la vie. Que tes activités reçoivent la vie. La mort ne sortira pas. Mais la vie va entrer. Je dis la vie va entrer. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a délivrés. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. La loi de la vie en Jésus Christ, c'est la loi qui s'applique à nous. La loi de la vie en Jésus Christ, c'est la loi qui s'applique à nous. C'est ça notre force. Frère, la prière ne remplace pas la position en Christ. La prière ne change pas la relation que nous avons. Dieu ne nous exauce pas d'abord parce qu'on a prié. C'est faux. Dieu nous exauce parce que nous sommes en Christ. Si vous priez en dehors de la relation, Dieu ne va pas vous exaucer. Parce que Christ est le cadre de l'exaucement. Oh my God. Christ est le terrain. Comment je le sais? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. En qui? En Christ. Nous avons été élus. En qui? En Christ. Nous avons été rachetés. En qui? En Christ. Tout ce que nous obtenons, nous l'obtenons. À travers qui? À travers Christ. L'Église ne vous a pas sauvé. C'est Jésus qui vous a sauvé. On ne vient pas à l'Église pour être béni. On vient à l'Église pour rencontrer Christ. Il est temps que Christ retrouve sa place. Les hommes mettent Jésus de côté et on tombe dans la religion. Une foi sans Christ est vide. Un ministère sans Christ est vide. Une prédication sans Christ est vide. Une église où Christ n'est pas là est vide. Ce n'est pas l'église qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Jésus-Christ est le plus important. Notre force, c'est en lui. C'est notre position en lui. Papa, j'ai beaucoup aimé ça. Les jours où les frères de Joseph sont venus en Égypte, Joseph fait quelque chose d'exceptionnel. Il demande à ce qu'on puisse faire asseoir ses frères en face de lui. C'était à midi. Les repas de midi. Joseph était en face de ses frères. Et on devait leur servir à manger. Mais pour être assis en face de Joseph, c'est là le problème. Il faut être frère de Joseph. Parce qu'on connaît dans la famille, l'aîné c'est Ruben. Après Ruben c'est Siméon. Après Siméon c'est Lévi. Après c'est Judas. Issachar. Dan. Gad, Asher, Gad, jusqu'à Benjamin. C'est-à-dire, moi je m'appelle Famboami. Je ne peux pas me retrouver là-bas. Si tu écoutes ta parole, pour que je me retrouve il en face de Joseph, en participant à son repas, il faut que je puisse naître dans la maison de Jacob. C'est la naissance de la maison de Jacob qui me donne le droit au repas de Joseph. Est-ce que vous savez qui est notre Joseph? Jésus de Nazareth. Il organisera aussi un repas qu'on appelle les noces de l'agneau. Pour avoir droit au repas de Jésus, il faut naître de nouveau. Frère, il y a des choses que la prière ne donnera pas, mais la relation donnera. Frère, soyons sérieux. Papa, un jour j'étais dans un supermarché. À l'époque, mon nom était encore nul et sans effet. J'étais devant avec ma marchandise. Mais il y a un monsieur qui était derrière. Non, un jeune homme. Il avait des militaires à côté. Et puis la caissière. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez attendre un peu? J'étais là avant. On m'a fait attendre. Et on l'a servi. Et puis après, quelqu'un d'autre qui est à côté de moi, bien, si vous êtes comme une île, puis ça fait un jour, tu reçois combo namboko. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse les servir en premier? C'est le nom qu'ils portent. Vous savez, des gens, il y a des gens pour qui voyager, c'est pas un problème. Le nom qu'ils portent. Ce qui est pour toi un sujet de prière pour certaines personnes et un sujet de prière. Il y a quelqu'un quelque part, ton salaire à toi, c'est son argent de poche. Un jour, pour la première fois, j'ai eu beaucoup d'argent dans ma vie à Pumbwe. Et puis un jour, j'apprends que ce que moi je considérais comme le sommet, lorsque vous êtes né dans une famille aisée, où est votre faute? Le nom que vous portez vous épargne certains combats. Le plus grand miracle que Dieu nous a donné, croyez-moi, c'est naître en lui. La nouvelle naissance nous fait entrer dans la famille de Dieu. Ce qui veut dire que certains combats, ça se termine seulement parce que vous êtes en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Certains combats se terminent automatiquement parce que vous avez changé de côté. Vous étiez en Adam, Dieu vous a sorti et vous êtes en Christ. Je suis venu vous dire avant que Moulima 30 ne termine. Vous allez manifester votre force parce que vous êtes en Christ. Je ne sais pas qui vous combat. Je ne sais pas qui est contre vous. Mais je vous annonce, si on ne peut pas arrêter Christ, on ne pourra pas vous arrêter. Parce que Christ, c'est la force du croyant. Glorifiez-vous, mais glorifiez-vous dans le Seigneur. Ne vous glorifiez pas dans vos capacités. Ne vous glorifiez pas dans vos dons. Glorifiez-vous en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On va continuer demain. Ce soir, je voudrais compris pour dire à Dieu merci. Merci de nous avoir donné Jésus. Je vais inviter la chorale. Il y a ce cantique qui monte. Il y a ce cantique qui dit merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton fils. Maintenant. Que le faible dise qu'il est fort. Je suis fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Je suis riche à cause de Jésus-Christ. Alors commence déjà à bénir Dieu. Dis comme Pierre. Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de travail. Je ne suis rien devant les hommes. Mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Ma plus grande force, c'est le nom de Jésus. Gédéon a une force, mais nous en avons une autre. C'est Jésus-Christ. Que Dieu a fait. Alléluia. Pour nous. Salabros. Merci. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Béni Dieu. Vous savez, dans l'église, merci. Lorsqu'on parle de bénir Dieu, nous devons le faire avec sérieux. Merci. Quelquefois, je suis étonné. Merci. Lorsqu'on nous parle de chasser les démons, nous sommes très excités. Merci. Nous le faisons avec ferveur. Merci. Mais lorsqu'il s'agit de rendre grâce, merci, de bénir le Seigneur, merci, nous le faisons en murmurant. Et pourtant, merci, nous devrions élever le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ta plus grande force. C'est Christ. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Ta plus grande force. C'est d'être placé en lui. Gédéon. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Ce n'est rien d'autre. Personne d'autre que Jésus. Alléluia. Maintenant. Que le feu dise. Je suis fort à cause de Jésus. Que le pauvre dise. Je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Juste un moment. Tout à l'heure dans ma prédication, je dis, dans le monde spirituel, tout se crée à partir de la parole. L'instrument que Dieu utilise pour faire exister des choses, c'est la parole. L'instrument que Dieu utilise pour amener à l'existence des choses, c'est la parole. la parole. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses parler. Parle sur ta vie. Parle sur tes enfants. Parle sur ton travail. Parle sur ton avenir. Je ne sais pas dans quelle direction. Je ne sais pas dans quel domaine. Tu es en train de vivre un combat. Tu es en train de vivre une persécution. Ce soir, comme un seul homme, tu vas parler sur cet aspect des choses. Tu vas parler sur ce domaine. Tu vas parler sur ce travail. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer que je triompherai en Christ. Commence à déclarer que je triompherai malgré les sorciers, malgré les combats, malgré les forteresses. Je suis en Christ. Rendez grâce au Père qui nous fait toujours triompher. Monte ici, monte ici. En d'abord. Chalalalalalalalala, brousse. Yéma la brousse, santa la brousse. Au nom de Jésus. Chalala brousse. Parle, parle, parle, parle. Parle, parle, parle, parle sur cet enfant. Parle sur ce travail. Parle sur ce travail. Parle sur cette situation. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Commence à déclarer au nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Sur cette situation, je ne connais pas un autre nom. Je n'ai pas un autre nom. Pierre a dit, or je n'ai pas, argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Commence à détruire. Commence à chasser. Il y a quelque chose qui doit quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie doit partir. Au nom de Jésus. Cette situation doit partir. Le nom de Jésus, c'est notre force. Le nom de Jésus, c'est notre force. Le nom de Jésus, c'est notre force. Nous n'avons pas un autre nom. Nous n'avons que Jésus. Celui, la stratégie de Dieu. Est-ce que tu peux parler? Parle au nom de Jésus. Bravo, Santa Labros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici la prière qu'on va faire avant de terminer. Et je vais faire cet appel. Et je laisserai le micro au pasteur. Dans mon esprit, je vois l'image des gens qui courent. Comme dans un stade. Mais ils n'arrivent jamais. Le Saint-Esprit me dit. Il y a parmi nous des gens qui ont commencé des processus avec une certaine vitesse. Mais ils sont en train de s'essouffler alors que le processus n'est pas arrivé à son terme. Si tu es là, un processus a commencé dans ta vie. Je ne sais dans quel domaine, mais au moment où je parle, tu te sens essoufflé, tu te sens fatigué. Tu peux venir parce que cet appel te concerne. Dieu me dit qu'il veut redonner la force, et j'entends dans mes oreilles la force de continuer. Il y a certains qui sont essoufflés. Ils n'arrivent plus. Tu es essoufflé par ce projet. Tu es essoufflé par ce problème. Tu es essoufflé par ce qui se passe au travail. Tu as besoin que Dieu renouvelle ta force. Tu peux venir. Le deuxième image, je vois dans mon esprit une personne en particulier. L'image que je vois, c'est quelqu'un à qui on est en train de donner quelque chose. Mais au point de toucher la chose, il y a comme un vent qui souffle. Et la chose lui échappe. Le deuxième appel que je fais ce soir, vous avez constaté que certaines choses vous échappent en termes d'opportunité. Tu sens vraiment que ça y est, je suis sur le point de terminer ça, mais à la dernière minute il y a comme quelque chose qui t'empêche de saisir ça. Nous allons prier. Et le dernier prière, le dernier appel de prière, il y a des gens qui sentent la mort venir. Nous allons chasser la mort. Je suis en train de voir comme un cercueil qu'on brise. Et Dieu me dit, la mort n'a pas rendez-vous avec toi. Alors commence à battre tes mains. Par rapport à ces trois sujets, refuse toute forme d'inachèvement. Refuse tout ce qui t'empêche de saisir tes opportunités. Au nom de Jésus. Mais là où tu es, c'est un rendez-vous de changement. C'est un rendez-vous, les choses doivent changer dans ta vie. La même parole qui a créé, c'est la même parole qui est donnée ce soir. Je lève ma main et je déclare que tes opportunités ne vont pas te rater. Tes opportunités vont te localiser et tu recevras tes opportunités au nom de Jésus. Je lève ma main et déclare que tous les cercueils, que tous les esprits de mort préparés pour toi ce soir, je brise les cercueils. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort au nom de Jésus de Nazareth. Tu es fatigué. Tu n'arrives pas à ton objectif. Ce soir, l'Esprit de Dieu te transportera. La Bible dit dans Deutéronome, Dieu n'avait pas besoin d'un Dieu étranger. L'Éternel n'avait pas besoin d'un Dieu étranger pour transporter son peuple de l'Égypte à Cana. Je déclare ce soir que Dieu va te transporter. Tu arriveras. Tu arriveras à ton objectif au nom de Jésus. Père, merci. Baba accent. Ta révélation. Nous donne notre vraie identité. Je prie ce soir que tu le fasses. Toi qui es dans la salle, tu n'as pas la position en Christ. C'est la position en Christ. Ni facile dans le Christ. Qui donne les résultats. Ikona leta matokeo. C'est la nouvelle naissance. Ni kuzalika kupya. Mais ne pars pas, ne sors pas de ce culte. Upendo siende badai badai. Si tu n'as pas la position en Christ. Kama ona na facile dans le Christ. Prends la décision. De dire à partir de ce soir, je change de position. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de prêcher ou de chanter. C'est la position. Ni facito. Dis avec moi ce soir. Seigneur. Seigneur. Ce soir. Ce soir. Je prends la décision. Je prends la décision. De donner ma vie à Christ. De donner ma vie à Christ. Je change de position. Je change de position. Maintenant. Maintenant. Que je sois en Christ. Que je sois en Christ. Parce que j'étais en dehors. Elle était en dehors. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Ce soir. Ce soir. Je veux être en Christ. Je dois être en Christ. Laissez Christ vivre à ma place. Laissez Christ vivre à ma place. La condition pour être à la table avec Joseph. Kanuni ya kuweza kuwa kumesa pamoja na Yusuf. Il fallait être frère de Joseph. Na fazali kuwa nduku yake ya Yusuf. Il fallait naître de Jacob. Fazali kuzalika kwa Yakobo. La condition pour voir le roi. Kanuni juu ya kuona mfalme. Pour voir Dieu. Juu ya kuona Mungu. Il faut naître de nouveau. Na fazali kuzalika upya. Si c'est la première fois que tu fais cette prière, kama ni mara kwa kwanza unafanya hiyo, ne pars pas, demande de me voir ou de voir un ancien. Usiende tafuta mwone pastor hata mzee mwanda na kanisa. Pour t'accompagner dans cette marche. Tu as kukusindikisa mwenendo. Seigneur, merci pour ta fidélité. Baba asante kwa uaminifu wako. Aujourd'hui les choses changent dans ta vie. Leo pitu inabadilika kwa maisha. Les choses changent dans la vie de tes enfants. Inabadilika kwa maisha watoto wako. Que ta grâce repose sur nous. Neema yako iwe juu yetu. Voilà pourquoi nous te célébrons ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous donnons nos offrandes pendant quelques minutes. La chorale nous accompagne et nous donnons le programme, le communiqué pour demain. Le protocole peut nous aider rapidement. Pour nous mettre les paniers et nous donnons notre offrande. Jesus, de façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, Jesus, tu l'as bien fait encore. Jesus, de façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus y est. Jesus y est. Tu l'as bien fait en toi. Jesus y est. De façon spéciale. De façon spéciale. C'est que impossible devient possible. Jesus y est. Jesus y est. Jesus y est, Jesus y est, Jesus y est. Tu l'as bien fait en moi, Jesus y est. De façon spéciale, c'était impossible. Devient possible, Jesus y est. Je presque abandonné. Quand tout semblait être impossible, quand le monde se levait contre moi et qu'il n'y avait plus où aller, et, oh, notre infini. Puis tu parles contre les ténèbres. Et ce qui est impossible devient possible. Dis assis. Tu l'as bien fait encore. Dis assis. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Seigneur, nous bénissons ces offrandes ce soir. Nous recommandons à ta grâce. Et nous bénissons tous ceux-là qui ont fait ce geste. Bénis leur travail, bénis leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux encourager celui qui est à côté de toi. Encourage celui qui est à côté de toi. Dis-lui. Demain, ne manque pas de venir. Et invite une ou deux personnes. Donc nous sommes là demain. À partir de 16h30, venons plus tôt. Il y a de très bonnes révélations que Dieu nous donne dans ce moulimant. Et quand la parole de Dieu passe, il faut toujours être concentré pour saisir cette parole. C'est là que les destinées, les vies se dessinent. Il faut être attentif quand la parole de Dieu passe. C'est comme on jette une semence. Il faut la saisir pour toi. Et la planter dans ta vie. Il faut toujours être attentif quand un homme de Dieu est en train de parler. Il y a des révélations, il y a des prophéties, il y a des messages que tu dis que non, ça c'est pour moi, je scelle ça. Ça c'est pour moi, je prie au Dieu que ça se confirme dans ma vie. Et au fur et à mesure, tu verras comment ta vie est en train de changer. Donc demain, c'est jeudi. Je vous encourage vraiment à être là. Il y a de très grandes révélations que le pasteur Trésor est en train de nous donner. Et ce moulima démarre d'une façon extraordinaire. N'oublions pas notre masterclass de samedi à 9h. Nous aurons un masterclass samedi à 9h, de 9h à 11h. C'est un enseignement pour les serviteurs. Il est ouvert à toutes les églises, à tout le monde, païens ou chrétiens si vous voulez, même ceux qui sont loin. Ils peuvent suivre par Zoom. Nous allons créer un lien Zoom. Et après nous allons donner des certificat plutôt de participation. Comme il y a 6 orateurs, on n'a pas donné les images. Comme il y a 5 orateurs, chaque orateur aura un sous-thème. Le pasteur Trésor, l'apôtre Hippolyte, le docteur Luc, le docteur David, le pasteur l'apôtre Samuel. Donc chaque 2h samedi, on aura un masterclass, donc une école de ministère des serviteurs. Avec un sous-thème. Demain, je vais vous donner tous les différents sous-thèmes. Et nous aurons les certificats que ceux qui vont participer à ce module-là. Voilà, c'est quand même important d'être enseigné. C'est important de retenir certaines choses. Demain, appelle un frère, appelle une soeur. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater dans la vie. De toute façon, des choses, quand tu les entends, tu les mets en pratique. Ta vie change. Moulima, nous sommes en prière du matin jusqu'au soir. Nous mangeons le soir. Et le matin nous sommes en prière parce que nous continuons à chercher la face de Dieu. Je prie pendant ce temps que Dieu te donne des révélations et que ta vie prenne la direction que ça doit prendre au nom de Jésus Christ. Père, merci pour ces révélations. Merci pour ton peuple qui vient chercher ta face. Merci parce que tu ne renvoies jamais ton peuple à vide. accompli des choses dans la vie de ton peuple.